Les gamines, c'est à toi. Comme ça, vous. Comme ça, vous citez du Benoît Poulvord dans C'est arrivé près de chez vous, au féminin, comme ça, bim, d'emblée, vous. J'en étais pas là, moi. Je pensais que j'avais inventé la formule, mais bon, c'est pas grave. Reviens, gamin. Allez, bah oui, mais ça, c'est pas le même, hein, bah non. Reviens demain bah, pour des informations, Laetitia Gagné. Bah, bah, hein. Et voilà, okay. Bah, voilà, bye merci. Bye. Allez, le prochain point sur l'information à 18h. Entre-temps, nous allons informer le monde, trouver des solutions pour la France en compagnie de notre invité. Écoutez comment nous avons préparé cette émission avec le plus grand sérieux. Salut Charlie. Alors, tout le monde a lu la presse? Oui. Ouais. Les garçons? Bien sûr. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a interpellé? En une de Libé, il y a le mensonge au travail. Oui. Ah, voilà. C'est bien, c'est ça, ouais. C'est le sujet que vous voulez proposer. Oui, moi aussi, j'avais comme idée ça. Ouais, vous êtes déjà bien dans le thème. Hein. Non, laissez tomber. Ouais. C'est une bonne idée de traiter ça. C'est qui l'invité? Frédéric Becbédé. Ah. J'adore. Oh là là là, non, moi, bof. Ah non, moi je trouve beau. Oh non, trop imbu de sa personne. C'est bien, c'est quelqu'un qui fait des bosses. Mais il est formidable, le type, il est cool, il fait ce qu'il veut à la télé, au cinéma, et quand il écrit, paf, le Renaud. D'accord, mais son style de vie, moi je peux vous dire. C'est des conneries, c'est la presse qui dit ça. Non, moi je crois pas. Si, Alex. Non, mais attendez, moi je vous le dis, je le sais. Ah, je le sais, l'autre. Oui, j'ai l'ami du frère du boulanger de ma coiffeuse qui l'a croisé un jour dans une crêperie, demandez quoi? Du sucre impalpable. Impalpable. Ça, c'est accablant. Je te le fais pas dire. Oui, c'est accablant. Quoi qu'il en soit, on va traiter le mensonge avec Frédéric Becbédé. Voilà. Okay. Voilà, comme ça tout le monde est d'accord. Oui, puis il aura des choses à dire sur le mensonge. Arrête, je pense, tu ne connais pas cet homme, c'est un super gars. Et tu le connais toi? Mais bien sûr, je le connais. J'habite Saint-Germain, je le croise de temps en temps. Un jour, il m'a souri. Il n'était pas obligé. Oui, bon, les gars, on s'en fiche. On verra pendant l'émission. Moi, j'aime pas les préjugés. Voilà. C'est vrai. Les filles, sujet suivant. Et nous? Vous n'avez pas lu la presse, vous, évidemment. Le préjugé. Oh là là là, pour quelqu'un qui n'a pas les préjugés, ça c'est bon. Eh bah, bien vu. Parce que le problème des préjugés, c'est qu'on peut les vérifier. Alors, quel sujet vous a interpellé? Ah bah voilà. C'est vrai. Ah bah voilà. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui va chercher l'actualité avec les dents jusque dans les toilettes. Et voici les trois informations dans lesquelles on va mordre jusqu'à 18h. Les médias français tombent comme des mouches aux mains des industriels. Canal+, aux mains de Bolloré, mais la presse écrite continue de succomber aussi. L'Express ou Le Parisien aujourd'hui en France, ça sent la coupe réglée pour 2017. Croyez en ma longue expérience, les journaux ça va, ça vient, et puis ça finit par emballer les poireaux. L'affaire Volkswagen serait l'illustration paroxystique du mensonge en entreprise. Mentir au travail, c'est paraît-il vieux comme le monde. Mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Certains écrivains collectionnent les adaptations de leurs romans au cinéma. C'est le cas de Tatiana Deronet. Alors, on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle pour le cinéma. On verra à la fin de cette émission, mais c'est sûrement déjà moins bien que ceci. D'après l'adaptation fidèle du roman de Victor Hugo... Bonjour, c'est qu'un pédale. Les miséroïdes. Je suis accompagné de celui qui adapte l'information au service de la blague, c'est Alex Vizorek. Mais bluffé avec ce paroxystique, Charline Vanhoenacker. Aujourd'hui, grosse équipe autour de la table, l'équipe de base à 17h20. Lui, on est incapable de savoir s'il ment ou pas au travail, puisqu'il prend beaucoup de liberté avec la réalité au départ, mais au final, on s'en fiche de la véracité de ses propos. Qu'importe le flacon, tant qu'on est l'ivresse d'André Manoukian. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Écoutez, vous tombez bien puisque je vais parler de l'art du salam alek à travers un trompettiste formidable qui s'appelle Ibrahim Malouf et qui sortira demain deux albums, non pas un mais deux. Et bien, félicitations à Ibrahim Malouf qui n'était pas la nouvelle star et donc ça nous fait plaisir que vous parliez aussi de quelqu'un d'autre. À 17h30, lui il ment, mais c'est pour la bonne cause. Ah bon ? Alors certes, dans sa vie professionnelle c'est un atout, mais dans sa vie privée, eh bien c'est un atout aussi. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis intéressé au cas Volkswagen, évidemment, j'ai appelé des concessionnaire pour en savoir plus sur cette histoire de logiciel. Monsieur, je peux rien, je sais pas. Je lâche mon téléphone qui fait que de sonner, donc là je suis raccroché. Ils sont pas mal occupés, a priori. Et à 17h40, ah jeudi, quel jour pour moi. C'est moi qui vous mentirais si je ne vous disais pas que jeudi est un jour béni où je peux me replonger dans ses yeux, dans les souvenirs de l'an dernier et de facto dans la tourmente nostalgique de mes échecs sentimentaux. Bonjour Clara Dupont-Moineau. Bonjour Alex. De quoi allez-vous nous parler? Du livre de notre invité. Ah, bon choix. Si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Vous publiez votre premier roman « Mémoire d'un jeune homme dérangé » en 90, quand la 724e émission d'Apostrophe est aussi la dernière. Vous publiez 99 francs en 2000, quand TF1 diffuse pour la première fois « Qui veut gagner des millions ?» Il n'y a pas de hasard. Vous réalisez votre premier film adapté de votre roman « L'amour dure 3 ans » en 2011, quand Charlène épouse Albert de Monaco. C'était tellement beau. Vous êtes... Je suis Frédéric Becbédé. Mais non, Oui, il lui ressemble vachement. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes Frédéric Becbédé, vraiment ? Eh bien, d'abord, cette voix très suave, mais en même temps enrouée, vous constatez que cette réputation est méritée. Oui, c'est vrai, je suis sorti hier soir. C'est parce que vous avez un grain sur la voix, c'est joli. On appelle ça l'art du growl en jazz. Vous savez, quand on va chercher le son un petit peu comme ça. Ouais. On appelle ça le whisky. C'est pour ça qu'on aime aussi le lire, Frédéric Becbédé. Vous publiez « Conversation d'un enfant du siècle » chez Grasset, une série d'entretiens avec de grands écrivains, dont vous-même. Bien sûr. Ou Bukowski, de façon posthume. Oui. C'est un écrivain qui interviewe d'autres écrivains. Donc ça apporte forcément quelque chose en plus. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, essayons dans cette émission, si un écrivain, Clara Dupont-Monod, mène l'entretien avec Frédéric Becbédé, d'autant que je sais que vous avez adoré « Conversation d'un enfant du siècle ». Ce qui vous permet de ne rien foutre, il faut quand même le dire à l'auditeur. Permet de ne pas en taper une. Non mais déjà, j'avais une petite question sur le titre, puisque « Conversation d'un enfant du siècle » fait référence à « Confession d'un enfant du siècle » de Alfred de Musset, publié en 1836, qui était une déclaration d'amour à George Sand. Alors pourquoi est-ce que vous avez pris, c'était juste pour le côté « enfant du siècle », le petit clin d'œil, ou il y a quelque chose derrière encore un peu plus loin ? Il y a une déclaration d'amour cachée à quelqu'un. D'abord, c'est une déclaration d'amour à la littérature et aux écrivains, mais aussi « l'enfant du siècle », vous savez, c'est le romantisme, c'est l'anti-héros qui est à cheval entre deux générations, qui est un peu perdu et qui cherche un sens à sa vie. C'est ça le personnage d'Octave dans la confession. Et ben oui, je m'identifie beaucoup à cet Octave. J'ai utilisé ce prénom pour deux de mes livres. Et donc voilà, il y a un côté un peu romantique, c'est-à-dire naïf et blasé à la fois, cherchant à comprendre ce que c'est que le mystère de la littérature. Alors, il y a le mystère de la littérature et il y a aussi le mystère des phrases un tout petit peu définitives. Oui, tout le monde s'incline. Bien formulé. Je bois vos paroles avec votre petit grain sur la voix, Frédéric. Moi, j'ai rien pigé, mais ça va être hyper beau. Il y a de la littérature et il y a aussi quelques formules définitives alors, qui font rigoler. Et en même temps, il y a par exemple Catherine Millet qui dit « Je trouve que la pornographie est plus réaliste que les comédies romantiques. Oui. » Il y a Alain Finkielkraut qui dit « Le spectacle vivant est grotesque. Un spectacle sur 100 est bon. » Bon, quand ils sortent ces petites phrases comme ça, est-ce que vous les notez en sachant que ça peut faire scandale ou ça vous arrange ou bon, vous passez dessus parce que c'est pas grave ? Comment vous êtes vis-à-vis de ces petites phrases un peu saillantes ? Non, moi, ce que j'aime quand on parle avec des écrivains, c'est qu'ils ont une grande liberté d'expression. Vraiment davantage que les politiques qui font attention à tout ou souvent les chanteurs ou les acteurs qui veulent toujours séduire tout le monde. Les écrivains, ils s'en foutent un peu de plaire et ils disent exactement ce qu'ils pensent. Bon, donc, de temps en temps, je relève. Quelquefois, j'en laisse passer certaines. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai aimé dans tous ces entretiens. C'est qu'il y a une grande, grande liberté et puis une grande drôlerie. Et souvent des... C'est vrai que vous êtes... Non, mais... non pas moi, mais mes interlocuteurs. Il y a une érudition, c'est agréable le plaisir d'écouter les citations de Jean d'Ormesson ou de Jean-Jacques Schull. Oui, en même temps, vous prenez un peu de distance, parce qu'à un moment, il y a Philippe Solers qui est en face de vous, qui fait un peu son show à la Solers, et vous écrivez, bon, j'ai bien Solers en face de moi, parce que là, j'ai rien compris. Vous dites, c'est bien lui, donc. Ouais. Oui, parfois. C'est... Donc vous les chahutez un peu aussi ? Bien sûr, bien sûr. C'est... Au départ, ça s'étale sur une vingtaine d'années, ce livre d'entretien. Et quand j'ai commencé le livre, j'étais un jeune arriviste qui voulait rencontrer les écrivains qui l'idolâtraient un peu. Donc j'étais peut-être davantage respectueux, voire lèche-cul. Et puis plus on avance dans le livre, et je crois plus ça devient des conversations entre confrères, avec une sorte de connivence, mais distanciée quand même. Mais enfin, cette familiarité qui fait que peut-être les gens se décoincent un peu. Vous avez oublié Guillaume Musso dans la liste de... ce qui s'est passé avec son interview. Et Tatiana Doronné. Mais bon, voilà. Déçu, mais bon. Parce qu'il n'y a que des écrivains dans le livre. Ah, c'est donc ça, voilà. Et Alain Finkielkraut. Frédéric Becbédé est avec nous. Conversation d'un enfant du siècle. C'est publié chez Grasset et Clara Dupont-Monod va nous en parler tout à l'heure, entre autres sujets d'actualité. En fait, Frédéric Becbédé voulait être chanteur. Mais bien sûr. C'est bizarre. I feel low. I'm so low. On va perdre l'auditeur. On va terminer en cœur. Chez vous, n'hésitez pas à chanter sur la nuit. Non, vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur France Inter. Vous n'êtes pas sur la nuit. Et en plus, vous êtes avec Frédéric Becbédé. Vous avez beaucoup de chance. Et c'est fou que Frédéric Becbédé aime Police. Parce que je me souviens que vous aviez des mauvais souvenirs avec ces gens-là. Oui, un moment. C'est vrai. Et autour... Je ne suis pas rancunier. Vous voyez, je ne suis pas rancunier. Autour de la table, spécialiste musique, c'est bouché les oreilles. C'est André Mayo, Clara Dupont-Mello et Guillaume Meurice sont avec vous. C'était une saturation musicale. Il y avait un côté hamster hystérique. Ah, non, mais, drôle. Bah, écoutez, c'est de la nostalgie. Mais c'est ça. Frédéric Becbédé, vous adorez ce titre. Mais bien sûr, je pense que c'est les ruptures de rythme dans cette chanson qui sont intéressantes. On peut en parler avec un mélomane. Et il est exact que on ne peut pas entendre ces chansons sans crier très fort, non, franchement. Et se lever, bouger. Sauter, danser le pogo, secouer la tête. À la base, c'était un groupe punk un peu police. Les premiers Peroxydés qui étaient là aussi. C'était des punks propres, mais érudits. Comme il est 17h22, moi je vous propose des informations radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres de cette édition. Rachida Dati était ce matin sur iTélé chez Bruce Toussaint. Certains ont trouvé l'interview tendue alors qu'elle ne lui a même pas dit qu'elle avait une carrière pathétique. Qu'il avait une carrière pathétique. Ça commence très bien. Oui, oui. Donc commencer sur une petite flouche comme ça, après ça monte en puissance. Yamina Benguigui a été relaxée dans l'affaire des déclarations de patrimoine et ça tombe bien. Être relax, c'est sans doute ce qu'elle fait de mieux. Il y a aussi des brèves car il n'est pas d'informations qui ne puisse être résumé en une brève. Et on commence donc avec Rachida Dati. Très bien, sans faute. Okay. Oui, elle est à nouveau en forme. Hein. L'arrêt de travail qui lui était donné par le docteur du Parlement européen lui a fait le plus grand bien. Ce matin, c'est Bruce Toussaint qui en a fait les frais. Dernière chose, je sais que vous en avez marre d'en parler, mais je voulais juste vous demander un mot sur Élise Lucet. Oui, juste avant, vous avez... Non, mais vous voyez comme quoi. Vous dites, vous parlez de déontologie. Ouais. On en a parlé avant, vous l'avez dit. Non, on est entre nous, on en parle, je n'en parlerai pas dans l'interview. Ah non, je ne vous ai pas dit que j'en parlerai pas. Bah, d'accord, bon alors d'accord. Non, je vous ai dit, on en parle avant. Ok. Non, mais allez-y. Vous avez toujours raison, monsieur Toussaint. C'est pas... Ah non, pas du tout. Mais... Une intéressante partie de « C'est celui qui dit qui est », que j'ai arrêté, mais qui continue et qui s'est terminée comme ceci, quand Bruce Toussaint lui a dit « Mais madame Dati, ça fait des années que vous venez nous voir. » Non, mais monsieur Toussaint, ça fait combien de temps vous êtes là? 2 ans et demi. Bon, voilà, ça ne fait pas des années non plus, pas exagérer. Ça fait quelques années qu'on se connaît, hein, et qu'on fait des interventions sur Canal, sur Europe, bref. Et la prochaine fois, sur un autre média, peut-être. Victoire de Rachida Dati sur cette excellente vanne, car iTélé, c'est Bolloré, donc le poste de Bruce n'est pas certain. Vincent Bolloré, qui d'ailleurs a été entendu par le CSA aujourd'hui, après sa reprise en main de Canal+. Oui, à la question « Pourquoi avez-vous décidé de changer le nom de D8 en C8 ?» Vincent Bolloré a répondu « J'avais pensé à C'est pourri, mais ça, tout le monde s'en était déjà rendu compte. » Voilà, on revient à la politique. Oui, après Rachida Dati, la pin-up de droite, passons à celle de gauche. Yamina Benguigui. En effet, le tribunal a confirmé que sa déclaration de patrimoine était incomplète. Elle a été reconnue coupable de cette infraction, mais les juges ont estimé que cela ne méritait pas de peine. Voilà, on rappelle que c'était François Hollande qui avait imposé les déclarations de patrimoine à son gouvernement pour rassurer les Français après l'affaire Cahuzac. Soyez donc bien rassurés, amis Français. On revient à droite avec François Fillon. Oui, il relance le débat sur les statistiques ethniques, un débat qui divise profondément les Français. Beaucoup estiment qu'il ne faut pas catégoriser les gens en fonction de leur origine pour ensuite les compter. Un problème que ne connaît pas la Belgique, puisqu'on peut chiffrer précisément les deux ethnies, wallon et flamand. International, nous disions hier, les deux porte-hélicoptères Mistral, qui n'ont pas été vendus à la Russie, ont trouvé acquéreur. Ils sont vendus à l'Égypte et on sait désormais comment cette vente a été conclue. Oui, et surtout, pourquoi l'Égypte ne s'est pas portée acquéreur plus tôt? Cette fois, la France a eu la bonne idée de présenter les appareils de profil. Et comment vous savez ça, vous? J'ai demandé à Nagui, c'est comme ça qu'il a été engagé sur Inter. Ah, c'est plutôt. France, avec un fait divers, je vous lis le titre, il oublie ses tracts pro-djihad à la photocopieuse et se fait interpeller. Un gardien de nuit de 33 ans a été interpellé la semaine dernière à Palaiseau dans l'Essonne et placé en garde à vue. Cet homme est soupçonné d'avoir oublié des tracts faisant l'apologie du djihad dans une photocopieuse d'un local de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Voilà, le djihad fait déjà beaucoup de dégâts, mais qu'est-ce qu'il en ferait s'il était mené par des gens futés? Et on termine par cette belle histoire Facebook qui nous vient du site Slate. Exactement. Victor, un jeune belge, se voit proposer par Facebook dans les gens que vous pourriez connaître, un vieux barbu d'Austin, ils n'ont aucun ami en commun, ils sont juste fans du même chanteur. Victor le demande en ami, mais Neil refuse. Quelle belle histoire. Oui, c'est pas fini. Ah. Victor se dit, si Facebook pense qu'on peut être amis, je dois vérifier. Et il part à la recherche de ce Neil, il traverse l'Atlantique, il va à Austin, avec juste la photo de profil, et il l'a retrouvé, et ils sont devenus amis, et Neil a fini par accepter sa demande d'amis. Comme quoi Facebook, en fait, c'est plus que de l'amitié. C'est con, hein, Frédéric, mais c'est beau. C'est comment il l'a fait. C'est beau, c'est loin, mais c'est beau. Oui, c'est pour citer Jacques Chirac en Corrèze. On vous accompagne jusqu'à 18h avec Frédéric Becbédé. Le premier sujet avec vous, l'Express se meurt dans les mains du patron de SFR Numéricable. Le Parisien aujourd'hui en France a été racheté par Bernard Arnault. Canal est dans les griffes de Bolloré. Quant au Figaro, bon, son mariage a été célébré il y a un bail avec un industriel Dassault. Vous vous occupez de trop de choses, papa. La bourse, la banque, les sucreries, le journal. Vous n'avez plus 20 ans. Votre vitalité reste extraordinaire. Mais vous ne pouvez plus avoir l'œil à tout. Vos activités financières réclament de la concentration, du sang-froid, c'est parfait. Mais une chaîne de journaux exige d'autres qualités, de l'audace, de l'allant. Du punch. Des grandes familles, Michel Audière avec Jean Gabin et Jean Desailly. Alors tiens, on va commencer peut-être par Canal+ et Bolloré, parce qu'on en parle assez peu généralement dans cette émission. Vous avez quitté le cercle, oui. Votre émission Frédéric Becbédé sur Canal, et que se passe-t-il? Est-ce qu'elle a un avenir? Est-ce qu'il s'intéresse à la culture, Vincent Bolloré? Je ne sais pas et je suis inquiet parce que 4 tournages du cercle ont été annulés après mon départ. Moi, j'ai animé cette émission avec un bonheur infini pendant 8 ans. Et vous aviez prévu de partir. Et oui, j'espérais qu'il trouverait vite quelqu'un. Et j'espère surtout qu'il ne profite pas de mon départ pour faire disparaître ce qui est l'unique talk show cinéphile en France. Il n'y en a pas d'autre à la télévision. Et donc, évidemment, pour tous les chroniqueurs, mais aussi toute l'équipe de l'émission... Il faut en parler, il faut... Ah, c'était génial comme émission, c'était formidable de voir le regard allumé qu'ils avaient, tous ces érudits qui étaient autour de vous. Mais donc l'émission risque de... Aujourd'hui on ne sait pas. Donc vous lancez un appel. Je lance un appel, il faut sauver le cercle. Je crois que c'est bien d'aller sur la corde sentimentale, parce que si Bolloré nous écoute, je pense que ça va le toucher. C'est vrai. Alors Patrick Drahi, patron du groupe Altice, a racheté l'Express, il y a 150 emplois menacés, il y a Le Parisien aujourd'hui en France... Il possède également Libération. Aussi. Si, c'est vrai, oui, tout à fait. Il y a une concentration des médias assez incroyable. Le Parisien aujourd'hui en France est dans les mains de Bernard Arnault, c'est clairement pour rouler pour Sarko pour 2017, Bolloré, etc. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Vous auriez pu aussi citer Xavier Niel, qui possède 4 journaux, Le Monde, l'Obs, Télérama, et avec son associé. C'est parce que comme l'émission dure jusqu'à 18h, on ne pouvait pas tous les citer. Si vous voulez, ce qui est bizarre, c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a... En gros, toute la presse privée qui appartient à 4 ou 5 types, 4 ou 5 personnes qui possèdent tous les journaux aujourd'hui. Et qui sont des industriels, donc des gens qui tiennent aussi un peu la presse par la publicité. Si on prend l'exemple de Bernard Arnault, évidemment, il investit des millions et des millions en pages de pub comme annonceur dans les journaux. Ça devient difficile de critiquer ces industriels dans la presse. Et en même temps, mais qui l'aurait cru? Parce que rappelez-vous, on dit tellement que la presse est moribonde, qu'elle ne sert plus à rien, qu'elle est en chute libre. Et là, voilà, objet de convoitise de la part des grandes puissances. C'est très étrange. Proche de la présidentielle, c'est vachement étonnant. Pendant très longtemps, on nous a expliqué que c'était plus prescripteur, que c'était fini. Et en fait, non, pas du tout. Et à lui, tout va bien? Je rappelle, vous êtes directeur de la rédaction. Alors, lui est à vendre pour 2 euros dans tous les kiosques. C'est beau. Il y a des femmes à poil, c'est pour Guillaume Meurice. Vous avez encore le sens du slogan. On rappelle qu'on n'entend pas tellement le gouvernement sur ce sujet. C'est inquiétant. C'est vrai, je trouve. La ministre de la Culture et de la Communication. Il paraît que Vincent Bolloré va racheter Radio France. C'était la dernière émission avec vous, Frédéric. On est content que ce soit vous pour la dernière, parce qu'on se sent dans une famille d'esprit comme ça, donc on est content. Rappelons également qu'il touche l'aide à la presse. Ils ne sont pas seulement des grands chefs d'entreprise. C'est vrai. Du pognon public. Mais pour répondre à Clara, c'est très vrai ce qu'elle dit. Mais les journaux, s'acheter un journal, ce n'est pas si cher pour des gens qui ont des trésors de guerre insensés. Pour eux, ce n'est pas très cher et c'est un pouvoir. Et on a un pouvoir après. D'abord, le pouvoir d'être difficile à attaquer et puis le pouvoir quand même de pouvoir répondre. Et acheter le journal au numéro de temps en temps. C'est de plus en plus cher, mais c'est quand même encore abordable, informez-vous. C'est un geste militant. On vous encourage, effectivement. Pas le Parisien, peut-être. André Manoukian, vous savez quoi? Une parenthèse musicale, respirons, élevons-nous, n'est-ce pas? Mais oui, surtout que c'est un de mes musiciens préférés. Il s'appelle Ibrahim Malouf et j'ai une tendresse particulière pour lui parce que Il se situe dans la suite de Miles Davis et il a été un Il joue de la trompette comme vous il en ce moment. Il joue de la trompette, c'est ça. Il a été un des rares finalement à inventer un son. Ça devient de plus en plus compliqué d'inventer un son, je ne sais pas, en littérature. Céline disait au XXe siècle, il y avait deux gars qui avaient du style Proust et moi. En musique, c'est compliqué, on va dans des écoles, on est virtuose. En fait, on est trois. Mais... Après, j'ai oublié Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé, Céline et... Et moi. Et Proust, voilà. Donc en trompette, eh ben, y a, aujourd'hui, il y a Ibrahim Malouf. Alors, je vais commencer un petit peu par vous parler de l'art du salam alek. C'est un petit peu ma spécialité, vous me direz, mais... Justement. C'est ce que disent vos ex. L'art du salam alek, en fait, c'est l'art du labyrinthe. L'idée, c'est de se perdre. L'idée, c'est de casser ses vieux réflexes et de se retrouver aussi innocent qu'au premier jour, réduit à l'essentiel, son moi. Dans un labyrinthe, il n'y a qu'une seule chose à perdre au fond, c'est son ego. Faire un salam alek avec un homme qui vient d'Orient, eh ben, pour ça, il faut gagner sa confiance. Petit à petit. Jusqu'à en perdre patience. C'est pour ça que les Américains, ils comprennent rien quand ils font des deals avec des Moyen-Orientaux. Et quand on se dit, au fond, je n'arriverai jamais à traiter avec ce gars-là parce que vous en êtes au quatrième rendez-vous et qu'à chaque fois que vous lui dites, c'est bon, on va faire affaire, il dit, mais de quoi tu parles? Mais de ce qu'on a parlé pendant trois heures? Ah, mais il faut qu'on se revoie. Bref, il y a un jour où vous craquez. Parle comme Sarkozy, que comme Sarkozy, de ce qu'on a parlé, de ce dont on a parlé. Putain, ça va c'est pas une belle qui nous donne des leçons de alors, français. Ouais. À l'instant, vous abandonnez. Donné et où vous dites, oh, au fond, il est sympa ce mec-là. Là, tout d'un coup, il vous met le deal en main et il vous dit dans mes bras. L'art du salam alek, c'est repartir à l'origine de toute chose. C'est commencer un récit au début de son histoire, mais aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps. Le temps en Orient n'a pas la même valeur qu'en Occident. Vous avez des montres, nous avons le temps, disent les Orientaux. Les circonvolutions dans l'art de la céramique iranienne ou dans le bois, dans le bois des moussarabiés sont les même que les circonvolutions de nos cervelles ou de nos intestins, qui sont de notre deuxième cerveau, ce sont les plis du baroque, comme dirait Gilles D, que je n'avais pas cité au moins depuis une semaine. Ibrahim, il fait pareil avec sa trompette. Il tourne autour de son sujet, c'est-à-dire autour de nous. Il nous encercle, il nous enlace et puis il se déploie très souvent à partir de petites cellules mélodiques simples comme des comptines enfantines, mais qui soudain prennent leur envol et nous mettent en transe. Pour ça, il y a une technique, la technique du makam. Un mode donné, un agencement de notes que l'on descend, que l'on monte, que l'on assemble, que l'on désassemble dans tous les sens indéfiniment sans avoir aucune chance d'exploiter toutes les combinaisons possibles. Pour ça, ça, c'est les notes. Mais c'est pareil avec les rythmes. Ils prennent de la drogue, ces personnes qui font... Ils n'ont même pas besoin. Pour faire, chez nous, en Occident, on a en gros des rythmiques binaires ou ternaires. Rythme à 4 temps, rythme à 3 temps. En Orient, ils ont des rythmiques à 5, à 7, à 9, à 11, à 13, jusqu'à 20 temps. Ces rythmiques complexes s'appellent à la turque. Vous savez quand Dave Brubeck, il écrit « Blue Rondo à la turque ». Eh bien, c'est une rythmique qui est bancale. Comment on fait? On la décompose 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et avec cette décomposition, vous pouvez faire les rythmes les plus complexes que vous voulez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Là, je suis sur un rythme à 5 temps. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Il est en forme en ce moment. Oui. Très. C'est la rentrée. Il est... Le problème de l'Orient, finalement, c'est que tout est riche. Et puis, je ne vous parle même pas de leurs intervalles. Nous, non plus petits intervalles. Non, nous ne parlez pas des intervalles. C'est le demi-ton. Vous savez, en Égypte, combien ils en ont? Ils ont jusqu'à 9, les 9e de ton. Quand nous, on en a juste, mais oui, c'est un demi. Mais comment imaginez? Et ben voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, à un moment donné, il dit stop, on arrête le délire. C'est parce qu'en Occident, on était dans le même délire. Alors là, il faut que je fasse. Allez, alors donc. Sautez un paragraphe, c'est voilà. Pages, hein. Ibrahim Malouf est le neveu d'Amin Malouf, l'écrivain académicien dont je conseille entre autres Les croisades vues par les Arabes. Ça vous changera tout. Ibrahim, il joue de la trompette avec le son de Miles Davis, la technique de Wynton Marsalis, le phrasé d'Oum Kalsoum et des polyrythmies balkaniques du chef de la garde des Janissaires qui fit adopter par Mozart et Beethoven l'usage des percussions dans l'orchestre symphonique. Et il a un piston en plus sur sa trompette. Il a un quatrième piston. Voilà. Heureusement qu'il en a des pistons. Mais lui, il en a un de plus, le quatrième pour faire les quarts de ton. C'est armé de cette puissance qu'Ibrahim Malouf nous arrive cette fois avec deux albums. Un album acoustique acoustique avec une rythmique américaine autour d'une compo les plus célèbres d'Oum Kalsoum écrite en 69, Les Mille et Une Nuits, et un deuxième album avec une rythmique française. Enfin, la rythmique la plus française qui soit, avec le belge Eric Lenigny au piano et le batteur suisse Stéphane Galland. Ce qu'arrivent à faire les musiciens américains et qu'a complètement foiré George Bush, c'est grâce à l'improvisation, c'est le vocabulaire du jazz qui rend la passerelle possible entre l'Orient et l'Occident. Vous aurez tout le temps de déguster ça chez vous, encore mieux en concert. En attendant, on se passe Essentiel d'Ibrahim Malouf. Malouf, Essentiel, deux albums donc, pour le prix d'un ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'il est en promo? Non, deux albums, et là aussi c'est pareil, c'est un acte courageux aujourd'hui, on lui dit mais pourquoi t'en sors deux à la fois? Mais voilà. Mais c'est parce qu'il est comme ça et les deux albums sont comme un diptyque. Ouais, merci André Manoukian. Merci, on a parlé plus de Malouf que de Bec Bédé, allez, on y retourne. Mais oui, mais Frédéric... J'allais justement porter plainte. Oui. Mais votre tour va arriver, Frédéric Becbédé. Vous publiez Conversation d'un enfant du siècle chez Grasset, et Clara Dupont-Mono l'a lu. Elle a beaucoup aimé, elle va nous en parler dans quelques minutes. Mais à cette heure-ci, sur France Inter, c'est un moment extrêmement attendu, autant que tout ce qui se passe autour de cette table. Oui. Mais là, il y a une pression particulière sur Guillaume Meurice. Oui, alors aujourd'hui je suis un peu désolé, chronique un petit peu spéciale, parce que je vais profiter de ma présence sur les ondes pour régler un problème perso. En fait, je cherche une bagnole. Voilà, hein, pas une voiture électrique, hein, pour faire plaisir aux bobos. Bobo étant le surnom que je donne à Bolloré, hein, vous l'aurez compris. Non, une vraie bagnole, un bon diesel qui pue, mais qui passe les contrôles anti-pollution peinard, vous voyez. Et ça tombe bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une marque allemande... Voilà. Ah ouais, ils sont déjà au courant, d'accord. Effectivement, une marque allemande propose exactement le système que je recherche grâce à un petit logiciel malin. La marque s'appelle donc Volkswagen. Hein, pardonnez mon accent allemand, hein, la guerre a laissé beaucoup de mauvais souvenirs dans ma famille. Mon grand-père Marcel était très triste quand les Allemands ont perdu la guerre. Je profite d'ailleurs pour le saluer, hein, je sais qu'il nous écoute là-bas en Argentine. Mais bon, je ne vais pas en plus vous parler de mes problèmes de famille, vous vous en foutez. Concentrons-nous sur mon problème de voiture. J'ai donc appelé des concessionnaires Volkswagen. Volkswagen Normand, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous appeler parce que je cherche une voiture. Et je cherchais à savoir si éventuellement il vous restait des modèles, ceux dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, avec le fameux logiciel. Ok, non, désolé monsieur. Mais c'est-à-dire, vous ne sauriez pas me conseiller? À bientôt, au revoir. Mais alors attendez monsieur. Premier échec. Il était pressé, c'est dommage. Bon, tant pis, hein, des concessionnaires Volkswagen, il y en a d'autres. Deuxième tentative. Monsieur, je ne suis pas du tout au courant. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Ah, vous ne lisez pas la presse? Si, mais nous aussi, je ne peux pas vous dire, on ne sait pas. Je peux pas. Vous savez pas ou vous pouvez pas? Je peux rien vous dire d'autre, monsieur. Mais si vous pouvez pas, je comprends. Mais si vous savez pas, je peux vous expliquer. Non, mais là-dessus, là, je peux pas vous dire par rapport à ce logiciel, quoi. D'accord, mais vous étiez au courant quand même. J'ai encore les informations comme tout le monde, monsieur. Oui, d'accord, voilà, parce que vous me disiez que vous étiez pas au courant, c'est pour ça. Voilà. Voilà, oui. Parce que moi, si je peux renseigner quelqu'un, hein, c'est avec plaisir. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai, ça, c'est de famille, ça, la gentillesse. Faut aller voir ma grand-mère, hein, Simone, avec les Allemands. Elle était d'une gentillesse. Enfin, je vais pas vous saouler avec ma famille, vous vous en foutez. Pensons bagnole. J'ai continué mes recherches et enfin, je suis tombé sur un concessionnaire gentil. Il faut que je vous passe un vendeur, mais il faut un vendeur intelligent. Est-ce que nous avons des vendeurs intelligents ici, Marine? Peut-être pas. Alexandre, peut-être? Alexandre. Nathalie, si, je vous passe Nathalie. Ah, Nathalie, elle est intelligente. C'est pas, elle est très intelligente. Ensuite, elle a l'avantage d'être une belle fille. Voilà. Mec qui parle d'une fille comme d'une bagnole, ça me plaît bien. Elle a l'avantage d'être une belle fille. C'est une première main. Je lui ai rabaissé un petit peu le bas de caisse. Franchement, elle tient bien la route. Ok, parfait. Allons-y pour Nathalie. Est-ce qu'elle pourrait me conseiller un modèle? Bah, certainement, mais vu que pour le moment une enquête est en cours, on n'a pas plus de résultats concernant ce modèle. Oui, mais est-ce que vous auriez un modèle qui est équipé? Je ne pourrais pas vous dire lequel, justement, on attend les résultats. Ah, alors ils en ont, mais il faut attendre les résultats pour savoir lequel. Moi, ça m'embête un peu parce que je suis un peu pressé. Bon, en tout cas, ils ont des diesels. Est-ce que ce sont des voitures diesel qui polluent, Nathalie? Oui. C'est des diesels qui polluent beaucoup ou pas? Bah, pas énormément. Ah, bah voilà. Moins qu'avant. Moins qu'avant quoi? Moins qu'avant, les modèles avant le logiciel, on va dire. Ben oui, mais du coup, après le logiciel, c'est logique qu'il pollue moins, puisque le logiciel permet de truquer les résultats. Effectivement. Ouais, donc on ne peut pas savoir, en fait. Mm. Oui, bon, ça ne nous avance pas beaucoup, cette histoire. Si ça continue, je vais finir en vélo pliable, comme un mama. Un mama, c'est le surnom que je donne à un gitan arménien que je connais bien. Oh, et puis, scheisse, achetons français, nom de Dieu, désolé papy, désolé mamie, j'ai appelé un concessionnaire Renault. Vous, les diesels que vous avez, ils sont polluants ou... Ah non, absolument pas. On a, en termes de consommation, déjà, on est sur des moteurs en 90 à 3 litres 5, 4 litres au 100. Ah, vous n'êtes pas polluant du tout, quoi. Ah non, absolument pas. Non, on est un des moins polluants sur le marché, de toute manière. Ben oui, mais alors peut-être du coup parce qu'il y a des logiciels. Il y a un logiciel qui existe pour ça, une marque. Malheureusement, personne ne le sait, monsieur. Nous, voilà, on vous garantit une fiabilité de nos véhicules. Après, voilà... Ouais, mais Volkswagen, il disait la même chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, sur ce qui se passera à l'avenir, j'ai pas la boule de cristal. Et non, elle n'a pas la boule de cristal, mais on peut quand même un petit peu prévoir l'avenir. Le PDG de Volkswagen va se barrer avec une belle mallette de pognon. On va bouffer des particules fines encore pendant des décennies. La planète va encore se réchauffer. Mais dans quelques jours, tout le monde va s'en foutre autant que de mes histoires de famille pendant la guerre. Alors chauffe Marcel et en voiture Simone. Merci. Ah oui, bah, chez Renault, ça rejette de l'air pur. Hein, les diesels, oui, c'est bien connu. Oui. Merci Guillaume Meurice. Mais je vous en prie. On peut vous voir à Toulouse samedi et dans sa banlieue. Lieu à Rabastin vendredi soir. Exactement, merci. On est toujours avec Frédéric Becbédé, conversation d'un enfant du siècle. On va en parler dans quelques minutes. On y est presque. Sujet 2 en attendant. Il faut mériter sa chronique de Clara Dubon-Modo. Sujet 2. Toujours cette affaire Volkswagen qui pose cette question en une de Libération aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise pousse ses salariés à mentir pour mieux atteindre ses objectifs individuels? Le mensonge serait devenu structurel dans les entreprises. Après, ça dépend aussi qui on a comme patron. Que pensez-vous de lui exactement? C'est un pédant, un emmerdeur, un frimeur, un beau salaud, un vieux teigneux de merde, un vilain taf fumant de pousse de vache en conserve, au sens figuré bien sûr. À ce point-là, vous m'envoyez ravi. Suivez-moi. Jim Carrey dans Menteur, Menteur, parce que dans cette émission, nous avons des références culturelles, bien sûr. Frédéric Becbédé, mentir pour atteindre ses objectifs, donc ce serait structurel dans toutes les entreprises, à tous les niveaux, tout le monde ment au boulot, c'est vieux comme le monde. Ah oui. Mais mentir, c'était votre métier? Bien sûr. Publiciste. Bien sûr. Grassement rémunéré. Ah là, vous étiez payé pour mentir. Bien sûr, c'est ça. Donc, je ne suis pas tellement surpris par cette affaire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'affaires dans les dernières années qui étaient similaires. Les subprimes, c'était quand même la même chose. Il y avait Enron aussi. Oui, ce sont des exemples cités par Libération. Ouais. En fait, je l'ai sous les yeux, l'article. C'est pour ça. Le journal incrimine un peu l'entreprise en disant que ce mensonge est induit par l'organisation même des entreprises. Oui. Et il est écrit, telle qu'elle est aujourd'hui organisée, l'entreprise pousse les salariés à pipoter. Mais si vous remplacez le mot entreprise par le mot couple, ou par le mot humanité. Famille, ça tient aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est inhérent à la vie sociale, à la vie tout court? Est-ce que le mensonge n'est pas fondamentalement lié à ça? Il y a des choses mécaniques. Par exemple, dans Libération, il y a une ouvrière qui témoigne, qui dit « Si je respecte la procédure de qualité, les poulets ont le temps de décongeler. » Donc elle met les poulets au congélo avant de remplir les formulaires ad hoc. Donc il y a quand même des conséquences après. Oui, non mais ce que vous avez dit tout à l'heure était très juste. C'est quand même la faute au patron, d'abord. Et ce que je trouve triste, c'était très drôle ce que vous avez fait d'aller appeler des concessionnaires dans des garages et tout, mais les pauvres, c'est pas leur faute. Au fond, ce qui s'est passé, ce qui a été décidé, c'est quand même... Vous voulez dire qu'ils nous ont menti dans le reportage de Guillaume? Non, ça veut dire que c'est des gens qui... Je vais les rappeler. C'est des gens qui sont victimes, comme tout le monde, de ce qui a été décidé en haut lieu, dans des conseils d'administration, voilà, par des une personnes conclusion, très diplômées. André Manoukian. Il y a une étude, conclusion, hein. une étude récente dans Science et Vie, qui est un magazine que je conseille à tout le monde. Ils ont remarqué que les enfants qui mentaient étaient plus intelligents que les enfants qui ne mentaient pas. Ah bah dis donc, alors là, c'est oui. Alors, donc là, Manoukian, vous pouvez continuer à tromper votre femme. mais pourquoi tu dis ça, Clara? Mais putain, arrêtez de dire des gros mots à l'antenne, des enfants nous Pardon. Écoutent. Merde. Clara Dupont-Monod, parlons un peu de l'ouvrage de notre invité. Allons-y. Oui, Charline, parce que l'actualité, c'est donc le livre de notre invité qui s'appelle Frédéric Beck BD et le livre s'intitule « Conversation d'un enfant du siècle ». Alors, c'est une série d'entretiens avec des écrivains et dans votre préface, vous conseillez d'ailleurs de piocher, de ne pas lire de façon linéaire. C'est un livre qui revendique la lecture en petits morceaux. Voilà. Alors, vous adoptez très souvent ce canevas, c'est-à-dire que vous commencez de façon légère et en fait, l'air de rien, on débouche sur du lourd, du plus profond. Il y a un côté un peu dandy, c'est-à-dire sous le futile, le grave. Alors par exemple, l'entretien avec Jean d'Ormesson commence par whisky, porto, vodka, c'est la première question. Et 10 pages plus tard, d'Ormesson vous raconte quelque chose d'hyper intime qui est l'amour avec sa cousine et ça a été ce qu'il considère comme son seul fait de résistance. Autre exemple, l'entretien avec Michel Houellebecq commence sur ses dents. Vous lui dites « La dernière fois que tu es venu dîner ici, tu avais oublié tes dents sur cette table. Et ensuite, tu as fait tout le festival de Berlin sans tes dents. » Voilà. Alors lui, il n'a pas l'air de trouver ça complètement anormal. Hein. Il vous répond, etc. Voilà. Mais ça se termine par une magnifique déclaration d'amour de Michel Houellebecq aux prostituées. Et il dit notamment « J'en parle en tant qu'ami et même pas que client. » Dernier exemple, les premiers échanges que vous avez avec Alain Finkielkraut, vous êtes dans un restaurant étoilé et tous vos échanges tournent autour de la carte. D'ailleurs, il n'arrête pas de répéter « j'aime pas le crémeux », il est obsédé par le crémeux. Et 15 pages plus tard, on a le Finkielkraut qui parle de sa femme, de leurs années communes à deux chiffres. Et voilà qu'on a un Finkielkraut soudain romantique, en fait, assez inattendu. Alors, entre parenthèses, Frédéric Beck BD, rien ne vous arrête puisque vous n'hésitez pas à interviewer l'écrivain égyptien Albert Kosri. Il avait 89 ans en 2004. Or, il est muet. Bon, il a eu une opération de la gorge et à ce moment-là, il parle par borborygme. Donc, votre échange, je le cite, est in on. Vous mettez plein de accents graves. Vous écrivez traduction. Un on. Voilà. Traduction. Je viens d'enregistrer un entretien pour France Culture par téléphone. Voilà. Donc, nos confrères apprécieront. Ils apprécieront. Oui. Et alors, vous avez oublié de dire que Finkielkraut avoue dans notre conversation qu'il a essayé le LSD. Oui, à un moment, il en parle aussi. Peut-être que ça explique beaucoup de choses. Mais ça nous éclaire d'un coup, on est rassuré. Il restait comme quoi, dans le bad trip. Pas de crémeux, mais des révélations. Et qu'il est marié avec une musulmane qui est voilée, hein, faut le rappeler. Et il a donné le nom de son dealer à Michel Onfray. C'est ça qui est. Nous débordons. Restez concentrés. Pardon, écoutez. Non, mais alors là où ça devient vraiment intéressant, vous l'avez un peu sous-entendu tout à l'heure, c'est en fait qu'on se rend compte au fil des pages qu'on n'a pas un journaliste face à un écrivain. On a quand même deux écrivains face à face. D'ailleurs, il y a le mot conversation dans le titre, hein. Ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous discutez avec eux plus que vous les interrogez. Et vos questions relèvent du ressenti d'un écrivain plus que de la demande d'information du journaliste. Alors on vous voit disséquer avec bonheur une phrase de Baudelaire. On vous voit disserter sur les écrivains heureux, notamment avec Jean d'Ormesson. Vous parlez du romantisme, du nihilisme. Ça s'envole. C'est passionnant. Ça échappe à des esprits obtus tels que Guillaume Meurice. Ça y aura rien à faire. Mais pardon, je pensais à autre chose. Voilà, j'ai bien vu. Oui, votre regard avait dérapé. C'était un peu trop haut pour vous, mais pour tous les autres, c'est un régal. Et c'est là où votre livre s'inscrit dans la tradition des entretiens entre deux écrivains. Et je pense notamment à un livre magnifique, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle « Conversation à Buenos Aires », réalisé en 1975 et qui avait mis face à face deux écrivains argentins de monstres qui sont Ernesto Sabato et Borges. Et c'est le genre de livre qui vous accompagne toute une vie parce que chaque fois que l'un des deux ouvre la bouche, ça vous cloue au sol et ça vous fait réfléchir pour 3 jours. Donc c'est un livre que de toute façon, vous alors là pour le coup, vous piochez dedans tout le temps. Et avec une grande simplicité. Ouais. C'est ça que moi j'adore dans les conversations entre grands écrivains. C'est pas le cas du mien, bien sûr, hein. Mais par exemple, quand Modiano parle à Emmanuel Berle, ou le livre de Philip Roth qui s'appelle Parlons Travail, où il a parlé avec Primo Levi, il y a un moment où je pense qu'un écrivain, quand il parle, non pas à un journaliste, mais à un confrère, il est beaucoup plus en confiance. Et puis ça parle de vraies méthodes de boulot, quoi. Ça parle Et puis surtout, il a lu le livre, contrairement au journaliste. mais surtout, en, plus, ça parle et les thèmes, en fait, enjambent les années et sont les mêmes. Parce que ce qu'ils disent, Sabato et Borges, en fait, c'est pas très éloigné de ce que disent vos écrivains. Borges dit à un moment, cette phrase que j'adore, il dit « Il n'y a qu'un cas où une œuvre ne vaut rien, c'est quand elle correspond aux intentions de l'auteur. » Et comme en écho, Antonio Tabucchi vous dit à vous, Frédéric Becbédé, je cite, « Le roman est une créature indépendante qui a sa physiologie. » C'est la même chose. Sabato dit « Ce que l'écrivain tait est parfois beaucoup plus significatif que ce qu'il exprime. » Et 40 ans plus tard, Tom Wolfe vous dit à vous, « Au fond, l'autobiographie, est une forme de fiction. » Et là aussi, c'est la même chose. Et quand vous conseillez dans la préface de votre livre de lire votre livre donc par intermittence, par petits sauts, eh ben, sachez que Borges dit à un moment « Ça fait 65 ans que je ne fais que sauter. » Et Sabato renchérit « Nous tous, qu'est-ce que vous dites de ce saut qui consiste à se réveiller chaque matin ?» Et je ne connais pas de plus belle définition de la littérature que celle-ci. Et en plus, elle annonce votre livre. Je vous redonne les références. Conversation d'un enfant du siècle de Frédéric Becbédé aux éditions Grasset. Et aussi, je ne sais pas si c'est toujours édité, on l'espère, Conversation à Buenos Aires, Borges Sabato, c'est aux éditions du Rocher, collection Anatolia. Merci Clara Dupont-Mono. Je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique sur franceinter.fr si vous l'avez prise en cours, sait-on jamais. Ou pas comprise. Vous êtes amie avec Guillaume Meurice, oui. Il me semble. Deux secondes pour rebondir sur ce que vous disiez. Deux secondes, c'est 8 minutes en manoucure. Lacan disait le discours dépend de la personne à laquelle on s'adresse. Si vous, tout d'un coup vous parlez à des gens intelligents, vous devenez intelligent. C'est bizarre. C'est pour ça qu'ici, des fois, j'ai du mal à... Comme vous êtes. Ah, il a attendu pour la passer, celle-là, le coton. Allez. Troisième sujet avec Frédéric Becbédé. Certains romanciers sont très courtisés par le cinéma. Tatiana de Ronay, par exemple. Est-ce une bonne nouvelle pour le cinéma ? On ne sait pas. Vous, Frédéric Becbédé, vous avez choisi de vous occuper vous-même maintenant de tout ça, de tourner vos films. Alors, mais le plus souvent, ça se passe comme ça, il faut bien l'avouer, ou presque. Vous êtes intéressé par mon roman ? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé ? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne paraît pas poser de problème, ça, monsieur Leblanc. Mais vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur ? Monsieur ? Va, Brigel, alors écoutez. Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Francis Dutin, Jacques Villeray dans le Dîner de cons. Alors, il y avait une page hier dans le Parisien aujourd'hui en France, hein, donc rappelons la propriété d'LVMH, sur Tatiana de Ronay, qui enchaîne la supervision des adaptations de ses romans. Elle les enfile hop, comme les perles ou les morceaux de teinture, la brochette, je ne sais pas comment dire. Mieux vaut être servi par soi-même, Frédéric Becbédé, là vous adaptez vos romans vous-même maintenant. J'ai eu une bonne expérience avec Yann Kounen qui a adapté 99 francs, je trouve très brillamment. Vous jouez l'hôtesse de l'air. Oui, je joue une hôtesse de l'air, c'est vrai, merci beaucoup. J'avais beaucoup aimé faire ce rôle. Enfin bref, passons. Et puis, donc là, j'ai eu la chance de pouvoir tourner mon premier film, adapté de L'amour dure 3 ans. Et cet été... Ah, alors cet été, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai tourné un autre de mes livres, qui s'appelait Au secours, pardon, mais j'ai changé le titre. Je l'appelle L'idéal, maintenant. Et c'est exactement, d'ailleurs, sur le sujet dont vous parliez, le mensonge en entreprise. Et vous respectez l'auteur, là, dans l'adaptation cinématographique. Mais c'est mieux que quiconque. Je crois justement pas. En fait, l'avantage, quand on s'adapte soi-même, c'est qu'on peut se trahir beaucoup plus violemment, tout corriger, et faire en sorte d'améliorer ce qui n'était qu'un brouillon, hein, et de le traduire dans une autre langue. Parce que l'image, ça n'a rien à voir. C'est comme de traduire en japonais son roman, quoi. Donc, je chamboule tout, je change tout. Et en vous plus, en profitez pour remanier, c'est comme vous donner comme une seconde chance à l'œuvre en fait, en donnant l'image en plus. En essayant de la rendre, possible visuellement, parce que ce qui n'était que des phrases, il faut que ça devienne vraiment du montage, avec du rythme, avec des comédiens. Et aussi, je dirais, tiens, pour reprendre ce que vous avez cité tout à l'heure de Borges, se laisser surprendre. Peut-être qu'au cinéma, de même que dans l'écriture, un, un, Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui accepte le hasard et qui accepte que ce ne soit jamais... Qui renonce à ses intentions premières. Oui, et que ce ne soit pas ce qui était prévu. Un écrivain qui accepte le hasard, c'est maintenant, Frédéric Beigbeder. C'était une très belle transition que vous avez offerte. Tout à fait, car en fin d'émission, c'est l'heure du sketch. Et je vous donne un rôle, et j'espère que vous l'acceptez, c'est le rôle d'Emmanuel Macron. Merci. Ah, je pense qu'il vous plaît bien ce petit rôle-là, parce qu'Emmanuel Macron, en ce moment, il a la grinta, la presse dit qu'il dit des conneries, mais sauf que tous les Français sont d'accord avec ce qu'il dit. Donc ses communicants sont en alerte, Guillaume et moi, on fait les communicants, Charline fait Madame Macron, et vous êtes Emmanuel. Monsieur Macron, on peut vous parler ? C'est par rapport à la com. Oh, vous allez m'engueuler pour ma sortie sur les fonctionnaires, c'est ça ? Non, pas du tout, c'était génial, 70% des Français sont d'accord avec vous. Putain, sérieux ? Emmanuel, on ne jure pas. Pardon, mon amour. On voulait justement vous proposer des phrases choc à dire dans les médias. Oui, le but, c'est qu'on parle de vous le plus possible. Voilà, c'est la technique Donald Trump. Oh, il est beau, Donald Trump. Ah bon, ça doit être une question de génération. Non, par exemple, vous avez dit, il faut des jeunes Français qui ont envie de devenir milliardaires. Oui, voilà. c'est pas mal, mais ça peut être plus punchy, voilà. Vous voyez, plus jeune. Non, je voudrais pas tomber dans le slogan publicitaire, je déteste les pubards. Ah, mais on a pensé, hein, pour vous. Ouais. Les SDF, c'est les fainéants. Ouais, et si t'es pauvre, bouge-toi le cul. Oh, c'est vulgaire. Pardon, madame, excusez-moi. Oui. Monsieur Macron, vous êtes mort ? Oui. Ne bouge plus. Appelez les pompiers. Attendez, ça va mieux. Il revient. Elle a raison, c'est un peu frontal quand même. Mais ils veulent ça, les gens, ils veulent du clash, ils veulent du buzz, ils veulent du tweet. S'il vous plaît, parlons français. Mais oui, Mamounette a raison. Mais oui, c'est vrai, madame est prof de français. Oui, alors, ou alors, on sait que vous n'êtes pas fan des 35 heures. Pourquoi pas dire, par exemple, les 35 heures, oui, mais en deux jours. Oui. Ah, ouais. Bah, voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais. J'aime bien. Ouais. Ou 35 heures, c'est mon temps libre par mois. Ah, mais bon, parfait, vous feriez un excellent publicité. Oui, bien sûr. En fait, quand je dis une connerie, les Français aiment bien. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, vos collègues du PS, ils vous envient cette qualité. Ah bah, je vais en profiter, je vais proposer un SMIC à 300 euros. Mais c'est pas mal, faut juste qu'on trouve un angle. Attends. Avec le SMIC à 300 euros, tout le monde aurait du boulot. C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. Mais vous pensez que les Français vont croire ça ? Ah, moi, je pense qu'avec ça, vous pourriez être président en 2017. Bien sûr. Ah ouais ? Je suis pas trop jeune pour être président ? Mais non. Moi, en tout cas, j'aurais l'âge parfait pour être une première dame. Merci Frédéric Beigbeder, quel Emmanuel Macron formidable vous faites. Pouillette plus... ministre de droite dans un gouvernement de gauche, vous êtes autant. C'est vrai, en plus de l'écrivain Frédéric Beigbeder, Conversation d'un enfant du siècle, c'est paru chez Grasset. Puis on rappelle votre petit appel à Canal+, pour que le cercle ça continue, hein. Ah, c'est oui, une émission oui, militante, oui. On s'il y va. Ou que Canal+ s'arrête. Merci Frédéric Beigbeder, merci à tous autour de cette table. Demain on se retrouve en direct de Lille avec François Bouc qui donne une nouvelle vie à Super Dupont. On sera au Théâtre du Nord, venez nombreux. Voici le mot de la fin à tous ces industriels qui mettent leurs grosses pattes sur nos médias. Vous vous occupez de trop de choses, papa. La bourse, la banque, les sucreries, le journal. Votre vitalité reste extraordinaire. Mais une chaîne de journaux exige d'autres qualités, de l'audace, de l'allant. Du punch.